14e chapitre, première partie. Les thugs ou égorgeurs. Départ. Le marché aux bestiaux. Bharatpur. Biana. Fontaines et étangs. Bonhomie des Indiens. Plantation de pavots. Les soutis. Notara. Kota. Description de la ville. Le château royal d'Armonevas. Divertissements et danses, costumes, la ville sainte de Kesho Rae Patun. J'avais, pour aller à Bombay, deux routes devant moi. L'une me conduisait par Simla aux montagnes avancées de l'Himalaya, l'autre au célèbre temple d'Ajunta et d'Ellora. J'aurais volontiers choisi la première et j'aurais poussé jusqu'à la chaîne principale de l'Himalaya, jusqu'à Lahore et à l'Indus. Mais mes amis m'en détournèrent par la simple raison que toutes les montagnes étaient alors couvertes d'une neige épaisse et qu'il me faudrait remettre mon voyage au moins de 3 mois. Ne pouvant pas attendre si longtemps, je me décidai pour la seconde route. À Calcutta, on m'avait généralement dissuadé de poursuivre mon voyage au-delà de Delhi. Ces contrées, disait-on, n'étaient plus sous la domination anglaise et leurs habitants étaient bien moins civilisés. On cherchait surtout, par d'effroyables récits, à me faire peur des thugs ou égorgeurs. Les thugs forment une société à part. Ils vivent de meurtres et de brigandages. Et comme les bandits italiens sont prêts, si on les paye, à commettre tous les crimes. Cependant, il ne leur est pas permis de répandre le sang, et c'est en les étranglant qu'ils font périr leurs victimes. Mais en ce cas, ils n'encourent pas de peine grave, et le meurtrier se purifie par un petit cadeau qu'il fait à son prêtre. Tandis que, s'il répand seulement une goutte de sang, il tombe dans le plus profond mépris. Il est banni de sa caste et abandonné même par ses compagnons. Beaucoup de voyageurs prétendent que les thugs appartiennent à une secte religieuse et qu'ils ne tuent pas par cupidité ou par vengeance, mais, suivant leurs idées, pour accomplir un acte méritoire. J'ai pris beaucoup d'informations et partout on m'a dit que ce n'était pas une loi religieuse mais la haine, la vengeance ou la cupidité qui les poussait à de tels crimes. Ces étrangleurs ont besoin pour leur épouvantable métier d'une adresse extraordinaire et aussi d'une patience et d'une persévérance infatigables. Ils poursuivent souvent leurs victimes durant un mois entier et l'étranglent dans son sommeil. Ou bien ils lui jettent par derrière autour du cou, un mouchoir tordu ou une corde qu'il tire si brusquement et avec tant de force que la mort est instantanée. À Delhi, on me donna des nouvelles plus consolantes. On m'assura qu'on m'avait fait de ces dangers une peinture exagérée, qu'il était généralement très rare dans les Indes qu'on attaquât les voyageurs et que le nombre des thugs avait considérablement diminué. D'ailleurs, ils n'osent rien entreprendre contre les Européens, parce que le gouvernement anglais dirigeait contre les coupables les poursuites les plus sévères. J'étais ainsi assez rassurée sur les dangers, mais il fallait me préparer à des privations et à des fatigues sans nombre. Nous nous dirigeâmes d'abord vers Kota, 290 milles. On a le choix entre 3 modes de transport. Les palanquins, les chameaux ou les bélisses à bœufs. D'aucune façon, on ne va vite. Il n'y a ni route de poste, ni relais. Il faut garder les mêmes hommes et les mêmes bêtes jusqu'à la fin du voyage. Et on fait tout au plus 20 ou 22 milles par jour. Pour un palanquin, il faut 8 porteurs, sans compter ceux qui sont nécessaires pour le bagage. Bien que chacun ne reçoive par mois que 8 roupies sur lesquelles il pourvoit son entretien, les frais s'élèvent encore assez haut, parce qu'il faut un grand nombre de serviteurs et qu'on doit encore leur payer le retour. Avec des chameaux, le voyage revient également très cher et est fort incommode. Je me décidai donc pour le mode de transport le moins coûteux, le chariot attelé de bœufs. Comme je voyageais seul, le docteur Springer fut assez aimable pour s'occuper de tout pour moi. Note, Monsieur Law me quitta ici pour retourner à Calcutta. Fin de note. Il dressa avec le Chandri, voiturier, un contrat écrit en hindoustani par lequel je devais lui payer immédiatement la moitié du prix de transport, 15 roupies, et il devait recevoir l'autre moitié à Kota, où il était obligé de me conduire en 15 jours. Pour chaque jour de retard, j'avais le droit de lui retenir 3 roupies. Le docteur Springer me donna en outre un de ses plus fidèles, Tchepras, et son excellente et chère femme me pourvut d'une bonne et chaude couverture et de provisions de toutes sortes, si bien que mon belly pouvait à peine tout contenir. Note. Les Tchepras sont les domestiques de l'administration anglaise. Ils portent des écharpes rouges et sur l'épaule une plaque de métal sur laquelle est gravé le nom de la ville à laquelle ils appartiennent. Tous les hauts fonctionnaires anglais ont à leur service un ou plusieurs de ces gens. Le peuple les considère bien plus que des serviteurs ordinaires. Fin de note. Ce fut le cœur serré que je me séparai de mes excellents compatriotes. Dieu fasse que je ne meure pas sans les avoir revus. Le 30 janvier 1848 au matin, je quittai Delhi. Le premier jour, nous fîmes peu de chemin, seulement 9 kos, 18 milles, jusqu'à Faridabad. Il fallait d'abord que nos bêtes se missent en train. Les 6 premiers kos m'offrirent quelques distractions, car il y avait des deux côtés de la route une multitude de ruines dont j'avais déjà visité un grand nombre avec mes amis quelques jours auparavant. Cette nuit, comme toutes les suivantes, je la passai dans un sérail. Je n'avais ni tente ni palanquin, et il n'y a pas de bungalow sur cette route. Les sérails des petits endroits ne sont pas, hélas, à comparer à ceux des grandes villes. Les cellules faites de terre séchée au soleil n'ont guère plus de 2 mètres de long et de large, et l'entrée étroite, haute de 2 mètres, 30 cm, et sans porte. L'intérieur est vide. À mon étonnement, je l'ai trouvé toujours très propre. On m'y apportait aussi, partout, une sorte de tréteau en bois, revêtu d'un filet et de cordes, sur lequel je jetais ma couverture et qui me faisait une couche superbe. Les Tchepras se plaçaient devant l'entrée de ma cellule comme les mamelouks de Napoléon. Mais il y goûtait un sommeil bien plus profitable que le leur, car dès la première nuit, il n'entendit rien d'un débat très animé que je soutins avec un très gros chien attiré par mon panier aux provisions si bien rempli. 31 janvier. Vers midi, nous traversâmes la petite ville de Balamgalam, où se trouve une petite station militaire anglaise, une mosquée et un temple hindou tout nouvellement construit. Nous passâmes la nuit dans la petite ville de Palwal. Dans ce pays, les paons sont très communs. Je voyais tous les matins des douzaines de ces beaux oiseaux sur les arbres, dans les champs et même dans les villes où ils viennent demander aux indigènes leur nourriture. 1er février. Notre station de nuit fut aujourd'hui la petite ville de Kosi. Pendant les derniers kos, nous avions été devancés par beaucoup d'indigènes empressés d'arriver à la ville, dans l'intérieur et au dehors de laquelle se tenait un marché important. Ce marché offrait l'image de la plus grande confusion. Les animaux se tenaient de tous côtés, au milieu d'un nombre infini de meules de blé et de foin. Les marchands criaient et vantaient sans discontinuer leurs marchandises. Ils tiraient à droite et à gauche les acheteurs, usant moitié de persuasion, moitié de force, et ceci ne faisait pas moins de bruit. C'était un tumulte vraiment étourdissant. Je fus surtout étonnée de la quantité prodigieuse de cordonniers qui, au milieu des bottes de foin et de paille entassées, avaient dressé leur simple établi, une toute petite table chargée de poids, de fil et de cuir, et qui raccommodait à l'envi la chaussure de leur pratique. Ici comme ailleurs, je remarquai que l'indigène est loin d'être aussi paresseux qu'on veut bien le dire, et qu'il saisit au contraire toutes les occasions de gagner quelques monnaies. À l'entrée de la ville, je trouvai tous les sérails combles. Il me fallut traverser Kosi d'un bout à l'autre pour me loger à l'autre extrémité. La porte de la ville semblait promettre beaucoup. Elle s'élançait fièrement dans les airs avec une voûte élevée. Aussi, j'espérais y voir des édifices proportionnés. Je trouvai des misérables cabanes en terre glaise et des rues si étroites que les piétons étaient forcés de se ranger sous les portes des cabanes pour laisser passer notre attelage. 2 février, à quelques causses avant Matara, nous nous détournâmes de la route frayée qui conduit de Delhi à Mutra, ville encore placée sous la domination anglaise. Matara est une jolie petite ville avec une charmante mosquée, de larges rues et des maisonnettes en maçonnerie, dont plusieurs même sont ornées de galeries, de piliers ou de sculptures de grès rouge. Le paysage ne varie pas. Ce sont toujours de vastes plaines où des bruyères succèdent aux champs de blé, des champs de blé aux bruyères brûlées par le soleil. Les épis étaient déjà très hauts, mais entremêlés de tant de fleurs jaunes qu'on pouvait se demander si c'était du blé ou de l'ivraie qu'on avait semé. La culture du coton est très considérable dans ce pays. Le cotonnier de l'Inde n'a ni la couleur ni la grosseur de celui de l'Égypte, mais la bonté du coton ne dépend pas de la grosseur de l'arbuste, et c'est justement le coton de ce pays que l'on dit le plus fin et le plus beau. Dans ces immenses plaines, j'aperçus de temps en temps des maisonnettes élevées d'une manière artificielle sur des buttes de terre glaise et hautes de 2 à 3 mètres. On n'y arrivait pas par des escaliers, mais on y montait par des échelles que l'on pouvait retirer la nuit. Autant que j'ai pu saisir le sens de quelques expressions de mon domestique, que je ne comprenais qu'à moitié, ce genre de construction sert à garantir des familles isolées contre les visites des tigres, qui se trouvent ici en grande quantité. 3 février, Bharatpur. Nous passâmes par une contrée où l'on apercevait çà et là des buissons et des arbustes rabougris, phénomène rare dans ce pays peu boisé. Mon guide honora aussi ces chétifs alliés du nom ambitieux de jungle. Je les aurais plutôt comparés aux broussailles et aux buissons nains et tremblants de l'Islande. À l'extrémité de ce canton, couvert de maigres arbustes, tout le paysage prit un aspect extraordinaire. Le sol se trouvait en beaucoup d'endroits déchiré et éboulé comme à la suite d'un tremblement de terre. Dans le sérail de Bharatpur, je fus bien près d'avoir peur. J'y rencontrai beaucoup d'indigènes, plusieurs soldats et surtout quelques hommes à l'air féroce qui menaient avec eux des faucons dressés. N'étant plus sur le territoire qui relève de l'Angleterre, je me trouvais livré à la merci de cette multitude. Mais loin de m'insulter, tous me marquèrent beaucoup de politesse et de déférence et me firent le soir et le matin un salut, salam, très amical, en portant la main du front à la poitrine. J'ai de la peine à croire que dans nos pays d'Europe, des hommes de cette classe m'eussent témoigné les mêmes respects. le 4 février, je saluais avec plaisir la petite ville de Biana, située au pied d'une basse chaîne de montagnes. Depuis longtemps, je n'avais rien vu de semblable, et on ne saurait croire combien on se trouve heureux de rencontrer enfin un paysage où une succession de montagnes et de vallées charme la vue et rompt la monotonie. Avant d'arriver à Biana, nous passâmes près de vastes cimetières mahométans ornés de beaucoup de petits temples, mais à moitié en ruine, et où l'on ne voyait presque plus de sarcophages. Biana a été jadis, dit-on, belle et florissante, mais aujourd'hui elle est dans un triste état. Aux portes de la ville, nous fûmes assaillis par une troupe de femmes dont chacune cherchait par des éloges étourdissants à nous faire choisir son sérail. 5 février. De l'autre côté de Biana, à deux pas de la porte, je vis deux beaux monuments, des temples ronds avec de hautes coupoles. Les barreaux des fenêtres étaient en pierre et artistement ciselés. Les champs et les prés étaient bordés de lignes serrées de figuiers indiens, ce que je n'avais vu nulle part qu'en Syrie et en Sicile. Sur la droite de la route s'étendait une chaîne de montagnes dont le point culminant était surmonté d'un fort. L'habitation du commandant, au lieu d'être protégée par les murs, s'élevait de beaucoup au-dessus d'eux. Elle était entourée de jolies vérandas et sur la terrasse du principal corps de logis, il y avait un beau pavillon reposant sur des colonnes. Les ouvrages avancés descendaient jusque dans la vallée. Devant nous s'étendait une grande plaine bornée de tous côtés de chaînes de collines. À peine eûmes-nous fait environ 7 causses que nous rencontrâmes des monuments situés au milieu d'enceintes d'un genre tout particulier. Sur une petite place ombragée de beaux arbres, de nombreuses dalles de pierre de plus de 2 mètres de haut et de plus d'un mètre de large formaient un mur rond au milieu duquel se trouvaient 3 monuments de forme ronde comme des dessous de cloches, en grandes pierres de taille. Leur base pouvait être de 4 mètres et leur hauteur de 2 mètres. Ils étaient fermés de toutes parts et on ne pouvait y pénétrer. J'eus aussi occasion de voir le même jour une nouvelle espèce d'oiseau qui, par la forme et la grosseur, ressemblait au flamingo. Ils avaient de belles ailes. Leur plumage reflétait le gris blanc le plus délicat et leur tête était ornée de plumes pourpres. La ville de Hindon, passablement grande, nous abrita cette nuit. La seule chose qui me frappa ici fut un palais dont les fenêtres étaient si petites qu'elles paraissaient devoir servir plutôt à des poupées qu'à des hommes. 6 février, au moment de quitter le sérail, 3 hommes armés vinrent se planter devant mon béli et, malgré les cris de mes gens, m'empêchèrent de sortir. Enfin, au milieu des clameurs, je compris qu'il s'agissait de quelques beys que ces hommes réclamaient pour avoir passé la nuit devant la porte de ma chambre. Note, un beys vaut un kreutzer ou 3 centimes et demi. Fin de note. Et que mes gens refusaient de leur donner. Sans doute le sérail n'avait pas inspiré assez de confiance au Tchepraso et il avait demandé la veille au Serdar, juge, une garde de sûreté. Ces hommes pouvaient avoir dormi tout à leur aise dans quelque coin du vestibule et avoir rêvé qu'ils veillaient, car il est certain que pendant cette dangereuse nuit, j'avais jeté plus d'une fois les yeux sur la cour. Et jamais je n'avais découvert un de ces gardiens. Mais que peut-on aussi demander pour quelques beys? Je m'empressai de leur faire le petit don auquel ils tenaient tant. Aussi, ils firent militairement demi-tour à gauche et après force salam, ils me laissèrent continuer ma route. Si j'avais été disposée à avoir peur, il y a déjà plusieurs jours que la vue des indigènes aurait dû me remplir de transe continuelle, car ils étaient tous, jusqu'aux bergers, armés de sabres, d'arcs et de flèches, de fusils avec mèches allumées, de gros gourdins ferrés et même de petits boucliers de fer laminé. Mais rien ne fut capable de me faire sortir de la tranquillité d'âme dont je jouissais. Ignorant la langue du pays et n'ayant à côté de moi que mon vieux Chebrasso, je n'en avais pas moins la conviction intime que ma dernière heure n'était pas encore venue. Cependant, je ne fus pas fâché de passer en plein jour par les affreuses gorges et les profondes crevasses que nous eûmes à franchir pendant plusieurs courses. De ces gorges, nous pénétrâmes dans une grande vallée à l'entrée de laquelle se trouvait un fort bâti sur une montagne isolée. À deux courses plus loin, nous rencontrâmes un petit groupe d'arbres au milieu desquels se trouvait une petite terrasse de pierre haute de 1,75 m sur laquelle s'élevait la statue en pierre d'un cheval de grandeur naturelle. À côté, on avait creusé un grand puits, espèce de citerne revêtue intérieurement de gros blocs de grès rouge, où l'on arrivait par trois escaliers. On trouve souvent dans l'Inde, surtout dans les contrées où, comme ici, on n'a pas de bonne source, des citernes de ce genre et de beaucoup plus grandes encore, entourées de superbes manguiers et de tamariniers. Les hindous et les mahométans vivent dans cette belle croyance qu'ils s'assureront plus facilement la félicité future s'ils construisent des travaux d'utilité publique. Quand ce sont des Indiens qui ont établi ces réservoirs d'eau et planté ces groupes d'arbres, on voit d'ordinaire s'élever à côté quelques emblèmes de leur divinité taillés en pierre ou bien des pierres peintes en rouge. Auprès de plusieurs puits et citernes se trouve posté un homme chargé d'aller chercher de l'eau ou d'en puiser pour le voyageur fatigué. Cette institution a son bon côté, mais d'autre part, on se sent pénétré de dégoût quand on voit les voyageurs descendre dans ces réservoirs pour s'y laver et y faire leurs ablutions. À quoi, cependant, la soif ne nous réduit-elle pas? Je fis comme tout le monde, je remplis ma cruche de cette eau. 7 février, du Ujjair Kamaluma. Petit endroit au pied d'une jolie montagne. Non loin de la station, nous eûmes encore un vrai désert d'Arabie à traverser. Mais par bonheur, il n'était pas d'une grande étendue. D'ailleurs, les sables de l'Inde peuvent être cultivés. On n'a qu'à creuser 1 ou 2 mètres et partout on trouve assez d'eau pour arroser les champs. Dans ce petit désert, il y avait aussi quelques champs de froment d'une très belle apparence. Cet après-midi, je crus un instant que je serais forcé de faire usage de mon pistolet pour terminer un différend. Mon voiturier demandait sans cesse que tout le monde lui fît place. Quand on ne l'écoutait pas, il jurait et pestait. Nous rencontrâmes 5 ou 6 voituriers armés qui ne prirent pas garde aux cris de mon cocher. Aussi celui-ci, plein de fureur, leva son fouet et menaça de les frapper. Si l'on en était venu à un combat, nous aurions eu certainement le dessous, malgré mon intervention. Mais on s'en tint de part et d'autre à des injures et les voituriers se rangèrent pour laisser passer mon coucher. J'ai remarqué en général que l'Indien n'épargne ni les cris ni les menaces, mais qu'il ne se porte jamais à des voies de fait. J'ai beaucoup fréquenté et observé le peuple et j'ai souvent assisté à des querelles et à des disputes, mais jamais à des rixes. Quand une dispute se prolonge, il pousse le flegme jusqu'à s'asseoir pour la terminer. Les gamins même ne se chamaillent et ne se battent ni pour jouer ni tout de bon. Une seule fois, je vis deux garçons se quereller sérieusement. L'un d'eux s'oublia au point de donner un soufflet à l'autre. Mais il le fit avec autant de ménagement que si le coup lui eût été destiné à lui-même. Le battu se frotta la joue avec sa manche et tout en resta là. D'autres garçons étaient restés spectateurs, mais aucun n'avait pris fait et cause pour l'un ou l'autre des deux champions. Cette douceur peut provenir en partie de ce que le peuple mange peu de viande et que sa religion lui impose beaucoup de compassion pour les animaux. Mais je crois qu'à ce sentiment se mêle aussi un peu de lâcheté. Je me suis laissé dire qu'on a beaucoup de peine à décider un hindou à entrer sans lumière dans une chambre obscure. Un cheval ou un bœuf fait-il le moindre saut, le moindre écart? Grands et petits se dispersent effrayés et en poussant des cris. Cependant, des officiers anglais m'ont affirmé que les sipahis, soldats indigènes au service des Anglais, sont assez braves. Cette bravoure leur vient-elle avec l'habit ou bien par l'exemple des Anglais? Ces derniers jours, je vis beaucoup de plantations de pavots d'un aspect merveilleux. Leurs feuilles sont grasses et luisantes, leurs fleurs larges et de diverses couleurs. On recueille l'opium d'une manière très simple, mais en même temps très pénible. On fait le soir plusieurs entailles aux têtes de pavots avant qu'elles soient arrivées à une pleine maturité. De ces entailles jaillit l'opium le plus pur. C'est un suc blanc et visqueux qui s'épaissit aussitôt à l'air et qui forme de petites bulles. On les enlève le matin avec un couteau et on les met dans des vases qui ont la forme de petits gâteaux. On obtient un opium d'une nature inférieure en pressant et en faisant cuire les têtes et les tiges de pavot. Dans plusieurs livres, entre autres aussi dans le journal de voyage de Zimmermann, j'avais lu que le pavot atteignait dans l'Inde et dans la Perse une hauteur de 12 à 13 mètres, que la capsule avait la grosseur d'une tête d'enfant et renfermait près d'une mesure de semence. Mais il n'en est rien. J'ai vu les plus belles plantations dans l'Inde et plus tard aussi dans la Perse, et nulle part je n'ai trouvé que les plants eussent plus d'un mètre ou d'un mètre et demi. La grosseur de la capsule pouvait tout au plus se comparer à un petit œuf de poule. 8 février, Madhopur, misérable village au pied de basses montagnes. Aujourd'hui encore, nous passâmes par de terribles gorges et sur des crevasses qui, contrairement à celles que nous avions rencontrées la veille, n'étaient pas dans le voisinage de la montagne, mais au milieu de la plaine. En revanche, nous jouîmes de la vue de quelques palmiers, les premiers qu'il nous était donné de voir depuis Bénarès. Mais ils ne portaient pas de fruits. Ce qui me surprit encore plus, ce fut de rencontrer, dans ces régions dépourvues d'arbres et de buissons, quelques tamariniers, bananiers ou manguiers, qui, plantés et cultivés avec le plus grand soin, venaient et réussissaient parfaitement. Leur prix est doublé par la certitude qu'on a de trouver sous ces arbres un puits ou une citerne. 9 février. Indergur, petite ville insignifiante. Nous approchâmes beaucoup de la basse chaîne de montagnes que nous avions déjà vue la veille. Bientôt, nous nous trouvâmes au milieu de vallées étroites dont de hauts pans de roches semblaient défendre l'issue. Sur quelques-unes des cimes les plus élevées, il y avait de petits kiosques consacrés à la mémoire des soutis. C'est ainsi qu'on appelle les femmes qui se font brûler vives avec les corps de leurs maris. Au dire des hindous, elles n'y sont point forcées, mais quand elles ne le font pas, les parents les raillent et les méprisent. Aussi la crainte de se voir repoussée de toute société les fait consentir à cet horrible sacrifice. Habillés, éparés magnifiquement, étourdis et rendus à moitié folles par l'abus de l'opium, elles sont conduites au milieu de chants et de cris d'allégresse à l'endroit où le corps du mari, enveloppé de mousseline blanche, est placé sur le bûcher. Au moment où la victime se jette sur le cadavre, le bûcher est allumé de tous côtés. En même temps, on entend résonner une musique bruyante. Tout le monde se met à crier et à chanter pour couvrir les gémissements de la pauvre femme. Après l'auto-da-fé, les ossements sont recueillis, mis dans une urne et enterrés sur quelque éminence au-dessous d'un petit monument. Il n'y a que les épouses des riches ou des gens distingués, et entre elles seulement l'épouse favorite, qui jouissent du bonheur d'être ainsi brûlées. Depuis la conquête de l'Hindoustan par les Anglais, ces scènes d'horreur sont défendues. Les montagnes alternaient avec les plaines, et vers le soir nous arrivâmes à des chaînes de montagnes encore plus belles. Nos regards furent charmés par la vue d'un petit fort tout découvert, placé sur la pente d'une montagne et dont on distinguait parfaitement les mosquées, les casernes, les petits jardins, etc. C'est au pied de ce fort que se trouvait le sérail où nous allions passer la nuit. Fin de la première partie du 14e chapitre.